FrenchPod.com. J'ai 2 minutes. Ah, pourquoi ne pas feuilleter le dernier numéro? Pas mal le reportage photo sur Marseille Ritz pour le lancement de son nouveau parfum. Et voilà l'échantillon gratuit. Mais quelle puanteur! Ah, mademoiselle Lefebvre, j'ai besoin de vous pour... Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oui, allô? C'était Marseille Ritz. Elle vient de recevoir le dernier numéro et elle dit que ce n'est pas son parfum dans les échantillons. Elle menace de nous faire un procès. Mais que s'est-il passé? Nous avons un problème, monsieur. L'usine nous a envoyé les mauvais échantillons. C'est un déodorant pour chat au lieu du parfum de Marseille Ritz. Quel désastre! Contactez nos avocats au plus vite.